dramatiquement, c'est un peu paradoxal de le prétendre, parce que, comme je disais, il n'y a pas vraiment d'action, mais il y a une identification indiscutable, c'est impossible de s'en défendre. Il y a une identification indiscutable des personnages à ce qu'ils voient. Voilà. Et je ne sais pas si je peux sortir de En attendant Godot une seconde. Allez, bah, il nous reste quelques secondes, donc non, ce je sera vous dis, la fin. Cet Vas-y. Effet d'attente, il y a eu des conséquences assez étonnantes. Des critiques qui, à l'époque, lisaient ça, comme Maurice Blanchot, par exemple, lisent les romans de Beckett en disant bah, « Bien sûr, ça raconte des histoires, mais on n'y croit pas, parce que finalement, pour nous, c'est pas, on attend quelque chose de bien plus important. » C'est-à-dire que il lit Malone comme si c'était Godot. Beckett a créé une sorte de stéréotype de l'attente, semblant signifier tout ce que vous voyez là, c'est pas très important. Ce qui serait important, c'est Godot, mais il ne vient pas. Mmh. Et du coup, quelqu'un comme Blanchot, qui est quand même assez averti, qui est quand même assez vigilant, qui est quand même assez cultivé, plus que cultivé, il lit Malone en disant on n'attache pas vraiment d'importance à tout ça parce que on attend quelque chose de bien plus important. Et donc, on ne lit pas le texte pour ce qu'il est. Lisons En attendant Godot pour ce qu'il est. Relisons-le. Votre livre aussi, Bruno Clément, sur Beckett, disponible aux presses universitaires de Vincennes. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. On se quitte avec Lou Reed, qui lui aussi attend un homme. I'm waiting for my man, The Velvet Underground. I'm waiting for my man. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. De Lou Reed à Anastasia Colosimo sur France Culture, c'est l'heure du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Souvenez-vous, c'était au moment des attentats du 13 novembre 2015. Jawad Ben Daoud était apparu à la télévision en disant qu'il avait effectivement logé deux personnes chez lui, mais qu'il n'avait aucune idée du fait que ces deux personnes étaient en réalité des terroristes armés jusqu'aux dents, prêts à passer à l'action à tout moment. Son interview avait fait le tour des réseaux sociaux, provoquant larmes, hystérie et rire, tout le monde se demandant s'il était effectivement complètement à la ramasse ou fou dangereux, ou même les deux à la fois. Le mystère reste à ce jour entier, d'autant que vendredi dernier, dernier jour d'audience de son jugement en appel pour avoir logé deux des djihadistes des attentats du 13 novembre, le même Jawad Ben Daoud a décidé de marquer les esprits. Celui qui a été relaxé en première instance avait la possibilité de s'adresser aux victimes qui se sont constituées partie civile. Il a assuré qu'il n'avait dit que la vérité. Avant de conclure, je cite « Si vous me condamnez, vous condamnez un coupable ». À quel lapsus, c'est moche, oui. Oui, c'est plus que moche. On a instantanément une pensée pour son avocat, l'immense et brillant Xavier Nogueras. En même temps que celui qui n'a jamais commis un lapsus, ici, jette la première pierre. Ensuite, évidemment, un petit lapsus en privé, ça n'est pas un grand lapsus en public. Pour vous en persuader, je vous propose un petit medley composé par l'émission Quotidien cet été. On peut commencer par Édouard Philippe, qui s'exprimait en mars à Saint-Denis. C'est une nation qui veut continuer à sucer de grands jours. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions. Continuez avec cette adresse du président de la République le 19 septembre 2017 à New York. J'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. se délecter ensuite avec cette interview d'Éric Woerth en septembre dernier sur France Inter. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise. Il y a des lapsus moins méchants, mais lapsus quand même, comme celui de Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale en février dernier. Avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Colomb, et dès que nous aurons l'intégralité des demandes, Gérard Collomb. D'autres lapsus sont carrément embêtants, comme celui d'Éric Ciotti sur Radio Classique. Nous avons évoqué les sujets de fond qui vont meubler, qui vont occuper l'actualité du candidat. Et puis, il y a ce magnifique sur les noms de famille. J'appelle Yannick Jadot. Ce que je vous explique, oui. Jean-Jacques Gourdin. Gourdin, pardon. Christophe Castaner n'est pas en reste en termes de lapsus non plus. N'oublions pas que les attentats, notamment du Ramadan... du Bataclan. Thierry Soler, au micro de France Inter, lui, n'a peur de rien. Écoutez, d'abord, j'ai voté la loi sur la moralisation. J'ai volé. Ah, attendez, Christophe Castaner encore. Les mots du Premier ministre qui met en œuvre cette polémique, cette politique. Une journaliste qui a du mal à cacher ses sentiments profonds. Marion Maréchal Le Pen, pourtant retirée de la vie politique, sera ici mercredi aux côtés de Gilbert Collard. François Drugy. Devant l'Assemblée nationale, a lui aussi du mal apparemment. Aujourd'hui, notre Assemblée, composée de ses députés... Bon, et on peut continuer très longtemps comme ça, à vrai dire. Si vous êtes un adepte, chaque année, de nombreux sites font des medley des meilleurs lapsus des hommes politiques de l'année. C'est totalement addictif. C'est très drôle, Anastasia, mais qu'est-ce que ça nous dit au fond ? Alors là, le débat est évidemment entièrement ouvert. Le terme de lapsus a été inventé par Freud dans son livre « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Il peut se définir, si l'on suit Freud, comme toute erreur verbale ou écrite qui apparaît comme une manifestation de l'inconscient. En effet, toujours selon Freud, des pensées ou des croyances inacceptables sont réprimées par la conscience et les lapsus sont la libération de ces contenus latents chez la personne éveillée, tout comme les actes manqués, tandis que les rêves sont cette même libération, mais chez la personne endormie. Un lapsus ne survient donc jamais au hasard, il témoigne toujours d'un conflit intérieur. En effet, le psychisme est divisé en trois parties, le « ça », le « surmoi » et le « moi ». Pour aller vite, le ça est le lieu de l'immoral, des désirs inavouables et des opinions inavouées. Ces désirs et ces opinions se heurtent ensuite à la censure du surmoi, qui opère comme un filtre et qui permet au moi de ne formuler que des désirs et des opinions moralement acceptables. Il y a donc une lutte permanente entre le ça, qui n'obéit qu'au principe de plaisir, c'est-à-dire à cet inconscient qui ne cherche qu'à satisfaire ses pulsions sans tenir compte de la réalité, et du moi, qui obéit, lui, au principe de réalité, c'est-à-dire au conscient, qui cherche à s'adapter à la réalité et à ses exigences. Un lapsus est donc un surgissement du ça qui aurait loupé le passage par le surmoi. Paradoxalement, ou pas d'ailleurs, plus on a de surmoi, c'est-à-dire plus on fait d'efforts inconscients pour se réprimer, et plus on s'expose à ces surgissements du ça. Donc vous voulez dire que le lapsus révèle l'opinion profonde de quelqu'un ? Oui, le plus souvent. Mais sans doute pas toujours. Les critiques de la psychanalyse ne manquent pas, et vous les connaissez. Karl Popper considérait ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une science, tandis que le philosophe Alain s'inquiétait de ce que cette théorie déresponsabilise totalement l'homme. Sartre jugeait, lui, que cette histoire de censure n'était qu'une vaste supercherie. Nous ne sommes pas là pour trancher, même si souvent, le lapsus paraît cruellement révélateur. En attendant, s'il n'est pas toujours révélateur, il est toujours diablement comique. Et c'est notre terreur quand on prend la parole tous les jours sur France Culture. Merci Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui m'a préparé à aider cette émission en compagnie de Marie Simon, Sharon Houri, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jordan Fuentes qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'attente. Demain, nous évoquerons le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en compagnie d'Arnaud Laster. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Beckett, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez et pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h précise, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.